que si on n'a pas la flexibilité, si l'entreprise ne peut pas débaucher lorsqu'elle n'a plus de travail pour l'ensemble de son personnel, elle fait faillite, elle n'embauche plus. Elle embauche plus. Il y a trop de contraintes législatives en France, vous vous sentez bridé, vous voulez donc rétablir, je sais pas, la loi de la jungle. Non, pas ça, pas n'importe quoi. Regardez, là, c'est quoi l'économie? C'est avoir des emplois. Il y a bien des gens quand on le peut. Et faire travailler, faire de bons produits. Vous savez, on vit d'infection parce qu'on oublie que l'économie, c'est fait pour fabriquer et pour vendre à des clients qui acceptent d'acheter des produits bons, pas chers et de bonne qualité. Si on ne peut pas le faire, et sur les Chinois qui le font, eh bien, on achètera des produits chinois. C'est ce qui se passe aux États-Unis, où les États-Unis sont très embêtés, parce qu'ils ont une base commerciale très faible, parce qu'ils ont une importation extraordinaire de produits chinois. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui s'enrichissent, c'est les Chinois qui vont acheter tous leurs produits, et nous, comme des imbéciles, on va dire, allez, qu'ils ont fait travailler, bon, on va tous au chômage, c'est tout. C'est ça la vérité. C'est la fiction, c'est pas parce que on dit faut parler de tout le problème, mais il faut dire aussi ce qui va et ce qui va pas. Et ben, ce que je souhaite, c'est qu'on ait attention à cela. Monsieur Lang dit que c'est qu'on aide des entreprises, les cadeaux d'entreprise. C'est stupide, il n'y a pas de cadeau d'entreprise. On fait un cadeau, mais c'est stupide ça, ça veut rien dire. Mais MEDEF, c'est quoi? C'est les chefs d'entreprise qui essayent de créer des emplois pour embaucher les gens, pour créer des produits. C'est ça, on ne fait pas de cadeau. Mais le pire des cadeaux a été fait par Martine Aubry. Martine Aubry qui a donné aux entreprises 10 milliards à cause des 35 heures. On dit, il faut garder les acquisitions. Mais Serge Assou, les 35 heures ont créé à peu près. À l'État, c'est stupide. Les 35 heures ont créé près de 350 000 emplois. C'est quoi? Vous rigolez? Quels emplois? Franchement, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas. Vous dites vous-même, vous êtes complètement désinformés. Ah bon? Parce que vous croyez que les 35 heures créent des emplois. Mais c'est faux. Regardez les hôpitaux crèvent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'infirmières, parce qu'on n'a plus de personnel, parce qu'ils s'en vont au boulot. Ils partent à 4 heures, je sais pas. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Fiction. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les journées halte là,